Ah, skinny mais charbonneur comme Alpha. Le Bendo, le Bendo, l'argent sale, la queue de roue. Le Bendo, l'argent sale, les lichetos. Le Bendo, l'argent sale, les gamos. Le Bendo, je suis dans le Bendo. Le Bendo, négro on reprend les bises. Négro, on veut ce qu'il est schmide. Négro, t'es un peu trop lent. La cadence accélérée, t'as du mal à suivre. Pas besoin de polémique. Et meilleur de ma génération, toute honnêteté. Peut-être qu'il y a des hypocrites, des bâtards dans les champs que j'ai côtoyés. Négro, je pèse, petit ou grand. Simon, Gaza, Gaston, Terre. Personne sait pas si t'es fureur dedans. Est-ce qu'il comprend ta place maintenant, t'es remplaçant. T'as compris? T'as compris? Dis-moi si t'as compris. J'rappe comme un baron, j'ai flot de la psychiatrie. Blablabla, bla, c'est tout ce que les MC savent. Versage, versage, le matos est en sachet. Si tu cherches à sniffer, vas-y, viens me chercher. Maintenant, j'ai montré, j'ai monté, démonté. J'vais rapper, rapper jusqu'à que je devienne le premier. Ouais, c'est pas fini, ouais, c'est pas fini. J'ai mis que mon doigt, elle croit que c'est ma bite. Appelle la police, appelle le 17. C'est la guérilla, demande même à Foucette. Le Bendo, le Bendo, l'argent sale, la queue de roue. Le Bendo, le Bendo, l'argent sale. Niska, tu veux du bédon, du bédon, du bédon. Y'a que la frappe de Ketama, ça détaille les kilos. Ramène le zélo face à mes soucis. Je me retrouve toujours solo. Les condés ont débarqué chez moi. Mon menotté devant la daronne. Mis sous ses les mains polo. Mais j'ai tout lié. Si c'est dans le barillet, je vais pas les rater. Tu veux pas y aller. J'ai grosse peine. Fais s'allier. Mais vont danser les nez face au calosier. On me dit tu vas briller. Mais je veux pas être une star. Moi je veux que des billets. Arrête de prendre des haïs dans des rues tard le soir. Fais crier le moteur, peu importe l'engin. Pour un vagin t'as perdu ton frangin. Ton gars sur ton gars, soit qui aurait pu te venger. Celui avec qui t'as smoke ton premier joint. Putain de merde, c'est la vie qui veut ça. Qu'est-ce que tu veux je te dis? Qu'est-ce que je te dis? On veut remplir les sacs et puis faire nos valises. Le Bendo, le Bendo, l'argent sale, la queue de roue. Le Bendo, le Bendo, l'argent sale, l'argent sale, l'histoire.